Salut. De bonne. Eh, oh. Une partie. Hein. Oups. Merde. Attends, j'ai essayé de rajouter un truc. Attends, ça fait combien de mesures là ? 48 ? dernier de chez Cooker. sont les morceaux complets là? Yes. Thank you. Mais j'aime bien les trucs, tu sais, où il y a des morceaux en entier là. Ah si, c'est pas mal ça. Je sais pas quoi jouer. Everyone's still, everyone's still. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien. compliqué un peu. Je le calme.